ça fait trop longtemps que je suis dans l'ombre. Trop longtemps qu'on me laisse sur le côté. Où sont-ils? Ce dont on parle dans la prophétie. Ça fait si longtemps que je les attends. Existe-t-il vraiment? L'impression d'être une vache qui regarde passer les trains. L'air inquiet étant donné que j'ai peur de rater le mien. Ils veulent m'arracher la main. J'ai quand même envie de l'attendre. Demain c'est loin, mais j'ai quand même envie d'attendre. Pourquoi tu veux qu'on se tape, poteau? Reste ici. Pendant que ces mecs se battent, non, nous on réfléchit. Les temps sont durs, donc faut pas qu'on se ramollisse. J'ai rêvé que Molière écrivait nique la police. En lisant leurs textes, on se tape des barres de rire. Le rap game, c'est la garderie. Je suis dans la lune, faut que je me concentre. Je suis incompris, ou bien trop con pour comprendre. Attends, miss, de nos jours, faut être attentif. Le rap est noyé comme la cité d'Atlantis. Je suis comme le diable, torturé par ses propres vices. Le hip-hop, c'est César, tué par ses propres fils. Y'a trop de pleurs et drames, on déconne. J'ai un peu peur de mes fans. John Lennon, ce soir la plume sera plus lourde que le plomb. Garçon, range ton flingue dans ton caleçon. J'ai croisé un homme, il m'a donné une carte. Il m'a dit, avec ton frère tu trouveras le trésor. Tu pourras enfin rencontrer l'esprit du rap et tenter de le ramener d'entre eux les morts. Alors j'ai ouvert le livre tout en haut de la bibliothèque. J'ai découvert le temple, j'ai mené mon enquête. J'ai enfin trouvé le parchemin de la prophétie. J'ai soufflé dessus, j'ai lu Big Flo et Holy. Big Flo et Holy. Un flow de malade, un enfant dur à soigner. Le temps passe avec ou sans montre autour du poignet. Je trace sans strass, je reste honnête. J'écris fier mes poèmes incompris comme la pierre de Rosette. Derrière le rideau, l'artiste se prépare. On peut être partout et n'aller nulle part. J'ai rallumé la flamme, c'est le début d'un incendie. Ils ont brûlé nos livres comme à Alexandrie. Et si tout le monde m'aime, moi je déteste personne. Le rap est mort mais se vend encore. Michael Jackson et j'enterre ces gangsters, ces connards de bandits. J'ai le regard qui tue comme les yeux de Gandhi. J'ai vu des combats sur papier, échapper des bas-fonds. J'ai déterré la hache de guerre pour l'enterrer plus profond. Le génie se distille un peu et je médite. L'amour ça crève les yeux, demande à Oedipe dans le noir. Le soir je ravale mes doutes, le diable m'a appelé pour acheter mon âme. Je lui ai dit qu'elle en valait le double. Et dans cette conquête je me balade et je grave mes vers. Le rap c'est le malade imaginaire et il va se manger le décor, attraper le virus. Je bats des records, ma plume dévore le papyrus. L'avenir se dessine, je rime dans un but précis. MC, on me désigne, messie de cette prophétie. Le vinyle crazy, ici j'éclaircis le récit. L'été est précis, l'horizon rétrécit. Depuis des années, des fous prédisent tous sa mort. Mais le disque tourne encore. Mais le disque tourne encore. En haut de la bibliothèque, j'ai découvert le temple. J'ai mené mon enquête, j'ai enfin trouvé le parchemin de la prophétie. J'ai soufflé dessus, j'ai lu Big Flo et Holy. Big Flo et Holy. Big Flo et Holy. Big Flo et Holy. Qui ose me déranger dans ma demeure? On se présente, Big Flo et Holy, deux jeunes rappeurs. Big Flo et Holy, deux MC de la prophétie. Apparemment, mais ce n'était pas trop précis. Ça j'apprécie. Notre rap vous a plu? Je ne savais pas qu'il y avait du lourd chez les trois plumes. Mais je vous imaginais plus grand, plus vieux, plus fat. En fait surtout plus rare. Non, c'est pas ce que je veux dire. Faut pas nous mentir. On veut prendre le mic car en ce moment ça empire. On sera hip-hop, ça lira pas le chromie. Ça aussi il l'avait promis. Mais pour quelques grammes, il vaut mieux rame au diable. Pour quelques clics, pour quelques clics. C'est triste. Mais je sens le début d'une nouvelle ère. La prophétie avait prédit l'arrivée des deux frères. On travaillera nos rimes, notre rythme et notre diction. Je vous donne ma bénédiction.